dans la gif, dans le rétro, je vois tous ceux que je laisse. Je rêve de ses yeux, pas de Los Angeles. Mon cœur est plein, t'approches pas, c'est pas la peine. Et je suis tout seul, toutes les secondes je m'en rappelle. Ce que je voulais hier, aujourd'hui j'en veux plus. Ce qui nous a manqué, frère, on l'est devenu. Par ici, faut pas le dire quand t'as mal. Je m'allume trop sur les photos, sa mère, j'ai plus rien dans le regard. Je sais pas pourquoi je dis toujours je t'aime en retard. Mon cœur je l'emmerde, c'est un putain d'escroc. Aujourd'hui ça va frère, mais c'est le passé qui me retient en otage. Ah, j'ai fait des signes, j'ai appelé, mais c'était juste moi de l'autre côté du rivage. Pas la fête, tout va bien dans ma tête, c'est pas la fête. Dans la reste, moi j'ai le cœur à la fenêtre. Mauvais mood, mais on se dit que ça va le faire. Pas la fête, tout va bien dans ma tête, c'est pas la fête. Dans la reste, moi j'ai le cœur à la fenêtre. Mauvais mood, mais on se dit que ça va le faire. Des fois je me prends pour qui? Mais je suis pas grand chose devant le ciel. Prochaine fois on se dit on s'aime. J'ai cherché dans ses mains, elle était en moi l'étincelle. Comme ça tu sais. C'est le monstre caché sous le lit qui nous a pris nos rêves. Si on n'était pas tout cassé, imagine ce qu'on aurait. La haine a remplacé les larmes et les gestes, les mots. Et je sais bien qu'on se reverra là où le ciel est mauve. Ça va frère, mais c'est le passé qui me retient en otage. Ah, j'ai fait des signes, j'ai appelé, mais c'était juste moi de l'autre côté du rivage. Pas la fête, tout va bien dans ma tête, c'est pas la fête. Dans la reste, moi j'ai le cœur à la fenêtre. Mauvais mood, mais on se dit que ça va le faire. Pas la fête, tout va bien dans ma tête, c'est pas la fête. Dans la reste, moi j'ai le cœur à la fenêtre. Mauvais mood, mais on se dit que ça va le faire.